Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Les diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies s'inquiètent de l'impasse politique et de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays, au Burundi. Dans une déclaration rendue publique à l'issue de sa séance de ce 2 août, ils ont exhorté Bujumbura à renouer ses relations avec l'extérieur. Et le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur n'y avoir reçu une copie de la correspondance que le président du parti FNL affirme leur avoir envoyée, évoquant un plan d'assassinat du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. Et 4 personnes sont déjà mortes ces 2 dernières semaines d'une maladie non encore connue au centre Moussegni, en commune Manda de la province Bubanza. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministère de la Justice nie avoir reçu une copie de la correspondance que le président du parti FNL affirme lui avoir envoyée, évoquant un plan d'assassinat du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. Le secrétaire permanent de son ministère le dit après que Jacques Bigirimana ait annoncé avoir déjà envoyé une copie à son ministère pour que des mesures qui s'imposent soient prises. Suivez Arcade Hareriman. Nous avons entendu comme tout Burundais ces allégations de ce politicien, Jacques Bigirimana. Il a allégué qu'il y a des préparatifs pour assassiner et pour commettre des infractions. Mais nous n'avons pas encore eu sa copie pour que le procureur général de la République, qui est chargé des enquêtes et de l'instruction, puisse travailler sur ces allégations. Vous saurez que même le porte-parole du ministère de l'Intérieur a nié avoir reçu cette correspondance dans ce ministère. Et le ministère de la Justice toujours indique aussi que les magistrats vont d'ores et déjà bien mener les enquêtes sur le recouvrement des biens mal acquis. Pour y parvenir, le secrétaire permanent au sein de son ministère, Arkade Harelimana, dit qu'ils ont envoyé des magistrats en Afrique du Sud pour apprendre les mécanismes adéquats à adopter. Suivez. Le ministère de la Justice a autorisé le premier substitut général de la République et l'autre le vice-président de la Cour suprême. Et le ministère de la Justice les a autorisés de se rendre en Afrique du Sud pour apprendre des mécanismes de recouvrement des avoirs mal acquis. Et aujourd'hui, nous avons organisé alors cette séance de restitution pour que leurs collègues puissent en profiter et puissent appliquer ces bonnes pratiques dans leur activité de tous les jours. Alors, l'innovation que nous venons de constater est que quelquefois, nos magistrats ne se focalisent pas sur la traçabilité des biens en provenance de l'infraction commise. Alors aujourd'hui, nous allons renforcer sur ce côté enquête sur l'action civile, l'enquête sur la traçabilité des biens en provenance de ces infractions. Et c'est le commencement, nous allons continuer à essayer de faire le renforcement des capacités en ce qui concerne l'enquête sur l'action civile pour que notre société puisse recouvrer les biens en provenance des infractions commises. Ces biens peuvent être à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays. Dans ce cas, avec les connaissances de l'enquête sur cet aspect, nous allons pouvoir recouvrer les biens du pays. Et les comités mixtes de sécurité ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre la corruption routière, mais dans le strict respect des limites fixées par la loi. Et cela a été dit lors d'un atelier organisé à Rumonge ce mercredi par le Conseil national de sécurité. Correspondance de Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. Selon certains des conférenciers, la corruption sur la voie routière est une réalité au Burundi et ils en ont été même témoins à la barrière policière de Mutambara, près de la rivière Murembwe, ce mercredi matin. Ce genre de corruption ne peut être combattu que si tout le monde s'y met. En effet, les passagers et même les piétons en sont souvent témoins et devraient le dénoncer. Même si la sécurité est une affaire de tous les citoyens, il ne s'agit pas d'un désordre. Au PC de Richard Ndayisaba, qui a exposé à ce sujet, dit que les forces de défense et de sécurité, l'administration, les instances judiciaires et la population agissent en synergie, chacun dans les limites fixées par la loi. Aucun acteur ne pouvant pas en effet remplacer un autre, car chacun a son cahier de charge. Dans cette optique, OPC de Richard Ndayisaba trouve qu'il serait mieux que tous les numéros de téléphone des responsables des corps de défense et de sécurité de la colline à la province soient affichés dans des lieux publics afin de les trouver facilement en cas de besoin. moins quand ils sont les premiers à être sollicités par la population. Le Conseil national de la sécurité avait organisé un atelier de renforcement des capacités des responsables des comités de sécurité des provinces Bururi, Makamba et Rumonge à Rumonge ce mercredi autour de la stratégie nationale de sécurité et la formation patriotique. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, une maladie non encore connue fait peur aux habitants du centre Moussénié en commune Mandat de la province Boubanza. Selon les autorités locales, 4 personnes sont déjà mortes ces 2 dernières semaines. Cette maladie est caractérisée par une grande fièvre. Les yeux rougissent et le malade succombe après 2 ou 3 jours. Les responsables sanitaires précisent qu'ils font encore des enquêtes pour déterminer de quelle maladie il s'agit et appellent tous ceux qui sont atteints à se rendre aux structures sanitaires le plus rapidement possible. Toujours en province Boubanza, les élèves de la section laboratoire à l'école technique Saint-Henri de Mouzinda ne savent pas à quel sein se vouer après la suspension des activités de cette section par une décision de la ministre en charge de l'éducation nationale. Ces élèves et leurs parents demandent aux autorités de revoir cette décision. Les précisions de notre correspondante Space Caritas Kavanyana. Une correspondance dernièrement envoyée par la ministre de l'éducation nationale aux responsables de l'école technique Saint-Henri de Mouzinda en commune Rugazi, stipule qu'après des visites administratives effectuées par une équipe technique du ministère de la Santé publique, la décision a été la fermeture immédiate de la section laboratoire. Pour dire que toutes les activités et tous les cours de cette section ont été suspendus. Les élèves de cette section laboratoire, qui arrivent même en 4e année, déplorent les faits et se demandent où ils vont continuer leurs études. Ils demandent au ministre de revoir cette décision. À la direction communale de l'enseignement, à Rugazi, on précise qu'on a eu la copie de cette correspondance et que la direction communale de l'enseignement va suivre et contrôler la mise en application de cette décision. C'est Caritas Kavanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kavanyana. Des feux d'origine criminelle ont embrasé une partie de la réserve naturelle de la Rukoko ce mercredi. Les flammes qui s'enchaînaient à travers les brousses et les faux palmiers s'observaient entre la 9e et la 11e transversale jusqu'au niveau du cimetière de Manda. L'administration communale de Gihanga indique que les auteurs de ces feux n'ont pas été identifiés et cela arrive malgré la décision prise par les autorités interdisant tout accès à cette réserve dans le but de la protéger. Je vous l'avais également dit dans les titres, le Conseil de sécurité des Nations Unies déclare être profondément préoccupé par la situation humanitaire qui prévaut au Burundi ainsi que par la persistance de la dégradation des droits de l'homme. À l'issue de sa séance de ce 2 août, cet organe onusien a exhorté le gouvernement de Bujumbura à renouer ses relations avec l'extérieur. Mireille Kanyange a lu pour nous ce communiqué. Voici son compte-rendu de lecture. Dans son communiqué de 4 pages, le Conseil de sécurité de l'ONU dit être profondément préoccupé par la situation politique au Burundi, la non-application de la résolution 2303 de 2016 et l'immobilisme du gouvernement burundais à cet égard, tout en prenant note de la situation généralement calme en matière de sécurité qui prévaut dans le pays, poursuit-il. Il reste alarmé par le nombre croissant de réfugiés à l'étranger et troublé par les rapports faisant état d'actes de torture, de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires, ainsi que par la persistance de l'impasse politique dans le pays et les conséquences humanitaires graves qui en découlent, dit-il. Sur cette situation humanitaire, le Conseil exprime sa vive préoccupation face à la dégradation persistante de cette situation, avec près de 202 000 personnes déplacées, 3 millions de personnes dans le besoin et plus de 416 000 Burundais cherchant refuge dans les pays voisins. Le Conseil salue les pays hôtes pour leurs efforts et demande au gouvernement de la région de respecter leurs obligations internationales concernant le statut des réfugiés et de s'assurer que la décision de retour est volontaire et prise en connaissance de cause et que le retour se fait dans la sécurité et dans la dignité. Selon toujours ce communiqué de ce 2 août, le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte le gouvernement burundais à renouer les liens avec les partenaires internationaux, en particulier l'Organisation des Nations Unies, d'une manière constructive et fondée sur la confiance mutuelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite de la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général au Burundi et de la pleine coopération du gouvernement burundais lors de cette visite. Le Conseil de sécurité de l'ONU souligne dans son communiqué qu'il est urgent que les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est s'impliquent activement afin que la médiation régionale facilité par Benjamin Mkapa, se poursuivent et aboutissent. Le Conseil demande instamment à toutes les parties burundaises de prendre des mesures supplémentaires pour sortir de l'impasse politique actuelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime l'espoir que les élections prévues pour 2020 au Burundi seront libres, régulières, transparentes, pacifiques et pleinement ouvertes à tous, avec la participation de tous les partis politiques et une participation pleine et égale des femmes à l'ensemble du processus. Voilà, c'est par cette lecture de ce communiqué du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que les diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies s'inquiètent de l'impasse politique et de la dégradation de la situation humanitaire au Burundi. Dans une déclaration rendue publique à l'issue de sa séance de ce 2 août, ils ont exhorté Bujumbura à renouer ses relations avec l'extérieur. Et le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur nient avoir reçu une copie de la correspondance que le président du parti FNL affirme leur avoir envoyée, évoquant un plan d'assassinat du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. Et dans les nouvelles des provinces, 4 personnes sont déjà mortes ces 2 dernières semaines d'une maladie non encore connue au centre Moussigny en commune Manda. C'est dans la province de Bubanza. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Mise en onde par Albert Ndouayo au micro, Jean Bosco Ndouimana. Merci à vous tous de l'avoir suivi.